toutes et à tous. Merci d'écouter l'émission Les Feuilles Mortes, dédiée à la chanson francophone. Brassens continue d'être à l'honneur pour une troisième heure en ce mois d'octobre 2021, centenaire de sa naissance et quarantenaire de sa disparition. Dans cette séquence, je vous propose de découvrir le Brassens qui se voulait écrivain, puis celui qui interpréta les poètes, et surtout le Brassens qui a cultivé au plus haut le sens de l'amitié, pour qui les copains comptaient plus que tout. Mais pour commencer, je vous invite à retrouver le grand Georges dans l'une de ses plus belles chansons, Rien à jeter. Sans ces cheveux qui volent, j'aurais dorénavant des difficultés folles à voir d'où vient le vent. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Je me demande comment subsister sans ses joues, m'offrant de belles pommes nouvelles chaque jour. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Sans sa gorge, ma tête dépourvue de coussins reposerait par terre et rien n'est plus malsain. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Sans ses hanches solides, comment faire demain? Si je perds l'équilibre pour accrocher mes mains, tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Elle a mille autres choses précieuses encore, mais en spectacle j'ose pas donner tout son corps. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Des charmes de mamie, j'en passe, et des meilleurs. Vos cours d'anatomie, allez les prendre ailleurs. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. D'ailleurs, c'est sa faiblesse, elle tient à ses os et jamais ne se laisse récupérer en morceaux. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Elle est quelque peu fière et chatouilleuse assez, et l'on doit tout entière la prendre ou la laisser. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Dès son arrivée à Paris, Brassens écrit. Son premier recueil de poèmes, À l'avant-vol, est édité en 1942. Puis un autre recueil, Des coups d'épée dans l'eau, titre prémonitoire, restant inconnu du public. Il récidiva ultérieurement dans un pamphlet « La lune écoute aux portes », puis en publiant, sans plus de succès, « La tour des miracles ». Finalement, son écriture jaillira dans ses chansons, bâties sur le langage populaire. Faisant bon usage de jurons et de mots d'argot, il donna au français populaire le langage des humbles et des pauvres, ses lettres de noblesse. Ainsi Brassens déclarait « Je crois que le plus grand service que j'ai rendu aux gros mots, c'est de leur enlever leur grossièreté. Il se rêvait poète, il écrira des chansons, et il hérita des bien-pensants du surnom de pornographe de la chanson. » Écoutons Georges Brassens dans sa ronde des jurons, le bistrot, le pornographe, et dans l'hommage qu'il rendit à Verlaine, l'enterrement de Verlaine. Voici la ronde des jurons qui chantait clair, qui dansait rond. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant à langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu, que les jarnies bleues et les pâles sang bleu. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis, que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et poigantres, fichtres et foutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes, que Dieu. Quelle pitié, les charretiers ont un langage châtillé, les harangères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu des profondis, les joyeux jurons de jadis. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu, que les jarnies bleues et les pâles sang bleu. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis, que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et poigantres, fichtres et foutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes, que Dieu. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent en rang comme des harengs, voir en face. La belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse, que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, valasse. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien

Yves Robert et Jacques Balle, avec lequel il partagea l'antenne sur Europe 1 dans l'émission de Michel Lancelot. Et sans oublier son fidèle contrebassiste, Pierre Nicolas. Écoutons Place à l'amitié, aux copains, de sa jeunesse à 7, les quatre bacheliers. Heureux qui comme Ulysse, la chanson du film d'Henri Colpi, son pote de 7. Au bois de mon cœur, et bien sûr, les copains d'abord, créés pour le film d'Yves Robert, les copains. Nous étions quatre bacheliers sans vergogne, la vraie crème des écoliers, pour offrir aux filles des fleurs sans vergogne, nous nous fîmes un peu voleurs. Les sycophantes du pays sans vergogne aux gendarmes nous ont trahis et l'on vit quatre bacheliers sans vergogne qu'on emmène les mains liées. À la prison sans vergogne les parents des mauvais garçons les trois premiers pères les trois sans vergogne en perdirent tout leur sang-froid. Comme un seul, ils ont déclaré sans vergogne qu'on les avait déshonorés. Comme un seul, on dit c'est fini sans vergogne. Fils indigne, je te renie. Je te renie. Le quatrième des parents sans vergogne, c'était le plus gros, le plus grand. Quand il vint chercher son voleur sans vergogne, on s'attendait à un malheur, à un malheur. Mais il n'a pas déclaré non sans vergogne que l'on avait sali son nom, sali son nom. Dans le silence, on l'entendit sans vergogne qui lui disait bonjour petit, on le vit, on le croirait pas sans vergogne, lui tendre sa blague à tabac, je ne sais pas s'il eut raison sans vergogne d'agir d'une telle façon, mais je sais qu'un enfant perdu sans vergogne a de la corde de pendu, a de la chance quand il a sans vergogne un père de ce tonneau-là et s'il est chrétien.

Le drapeau noir flotte sur la marmite, dont Michel Audiard réalisa un film, Georges Brassens en écrivit la musique, dont je vous invite à écouter un extrait, prouesse plutôt insolite dans son œuvre. De même, il enregistra plusieurs chansons pour le film Porte des Lilas, tiré du roman de René Fallet, dans lequel il tint un petit rôle et dont il a chanté l'Amandier. J'avais le plus bel amandier du quartier, j'avais le plus bel amandier du quartier, et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli métier. Un écureuil en jupon dans un bon, un écureuil en jupon dans un bon, vint me dire je suis gourmande et mes lèvres sentent bon, et si tu me donnes une amande, je te donne un baiser fripon. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux, grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux, et tu croques et tu picores, puis tu grignotes et puis tu redescends plus vite encore, me donner le baiser du. Quand la belle eut tout rangé, tout mangé, quand la belle eut tout rangé, tout mangé, je te paierai, me dit-elle, à pleine bouche, quand les nigauds seront pourvus d'elle et que tu sauras voler. Monte m'embrasser si tu veux, si tu peux, monte m'embrasser si tu veux, si tu peux, mais dis-toi que si tu tombes, je n'aurai pas la larme à l'œil. Dis-toi que si tu succombes, je ne porterai pas le deuil. Les avais bien entendues, toutes mordues. Les avais bien entendues, toutes mordues. Toutes grignotées mes amandes, ma récolte était perdue. Mais sa jolie bouche gourmande, en baiser m'a tout rendu. Et la fête dura tant que le beau temps, et la fête dura tant que le beau temps, mais vint l'automne et la foudre, et la pluie et les autans ont changé mon arbre en poudre et mon amour en même temps. Il tenait sa guitare sans grâce. Tout à coup, il chante des phrases tellement inattendues, tellement fortes. Pas des petites fioritures poétiques, mais de la poésie bon poids. Il était de la race des littérateurs oraux. Ainsi s'exprimait Joseph Mustachi, venu d'Égypte, qui poursuit ainsi. À l'époque, je n'écrivais pas de chansons. Je m'y suis mis. Le jour où il m'a demandé ce que je bricolais dans la vie, je lui ai timidement avoué. Il a écouté mes textes. C'est de qualité, a-t-il dit. C'est tout. Mais pour moi, ces trois mots sonnaient comme une parole historique. À sa façon, Brassens m'adoubait. Ainsi s'exprime celui qui deviendra Georges Moustaki, lequel consacrera à Brassens cette magnifique chanson « Les amis de Georges ». Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges avaient les cheveux longs, à l'époque ce n'était pas encore de saison. Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon, avant qu'on les enferme dans des micro-sillons. Ils juraient, ils sacraient, insultaient les bourgeois, mais savaient offrir des fleurs aux filles de joie, quitte à les braconner dans les jardins publics, en jouant à cache-cache avec l'ombre des flics. Les amis de Georges, on les reconnaissait à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang pour devenir quelqu'un. Ils traversaient la vie comme des arlequins. Certains le sont restés, d'autres ont disparu. Certains ont même la légion d'honneur qu'ils crut. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un poil. Ils se baladent encore la tête dans les étoiles. Les amis de Georges n'ont pas beaucoup vieilli. Allez voir, on dirait qu'ils auraient rajeuni. Le cheveu est plus long, la guitare toujours là. C'est toujours l'ami Georges qui donne le la. Mais tout comme lui, ils ne savent toujours pas rejoindre le troupeau ou bien marcher au pas. Dans les rues de Paris, sur les routes de province, il m'en dit quelquefois avec des airs de prince, en chantant des chansons du dénommé Brassens. J'espère que cette troisième heure vous a plu et je vous remercie pour votre fidélité. À la semaine prochaine, mercredi 27 octobre à 20h, pour la dernière émission sur Georges Brassens. Mouloudji clôture la séquence en chantant Les feuilles mortes. Ah, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Et les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Mais le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.